Ok. Bienvenue sur Freestyle, l'émission des cultures urbaines. On reprend tout à zéro, on reprend tout à zéro. On s'active sur Radioactive. Faut de l'espoir pour réussir, ici c'est Freestyle. Bonsoir à tous, bienvenue sur Freestyle, votre émission consacrée aux cultures urbaines. 93 FM, 94.7 FM. De Tournord à Blois, c'est sur Freestyle Radioactif que ça se passe. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir le tout jeune Artex. Bonsoir Artex. Bonsoir. Artex, sois le bienvenu sur Radioactif. On a le plaisir de te recevoir pour faire découvrir un petit peu ton univers. Je tiens juste à informer au passage que Artex n'a que 17 ans, messieurs, dames. Tenez-vous bien, Artex n'a que 17 ans. Très productif sur les réseaux. Évidemment, il a des lacunes, il est très jeune, il a une marge de progression énorme, mais j'espère que vous allez pouvoir découvrir et apprécier ce qu'il a l'occasion de nous présenter ce soir. Bah, Artex, merci, hein, ça fait plaisir. Ben, de rien, le plaisir est partagé. Artex, qu'est-ce qui t'a fait arriver dans la musique si La musique, j'ai commencé très tôt. J'étais en quatrième, on m'a fait découvrir Nino, un pote à moi m'a fait découvrir Nino. Okay. Ensuite, par la suite, j'ai commencé à bien accrocher. Du coup, je me suis mis dans la musique, j'ai commencé à écrire mes premiers textes. Au début, c'était compliqué, il fallait continuer à charbonner. Et pour l'instant, on lâche pas et j'ai eu beaucoup de moments difficiles, des critiques au lycée. Fallait continuer à se battre et à s'améliorer. Et c'est pas fini, c'est pas fini Artex, hein. C'est que le bien début, sûr. Il faut que tu sois fort. Tu sais, on peut pas plaire à tout le monde, comme on dit, comme Booba disait, si tu kiffes pas, t'écoutes pas. Forcément. Et puis c'est tout. Mais c'est comme ça, il faut rien lâcher, il faut persévérer. Et puis je suis sûr que tu vas attirer à toi tes auditeurs naturellement. J'espère. En étant naturel. Il faut. Tout simplement, Artex. Ton style de prédilection, ton rap, ton style de rap, ta façon d'écrire. On est plus sur du style mélancolique, j'essaie d'avoir tous les genres de musique, essayer de toucher les personnes qui écoutent de tout. On peut passer de la jersey à, par exemple, tout ce qui est mélancolique, love, etc. J'essaie vraiment d'avoir un public très varié pour que je puisse améliorer toutes les choses que je fais dans la musique. C'est bien, c'est très bien. Comment tu te débrouilles en termes de production? C'est toi qui fais, tu as des pros avec toi, comment ça se passe? En termes de production, j'ai une équipe derrière moi avec un producteur et quelques agents, mais sinon... Son nom, c'est mon père, Nicolas. D'accord. Et du coup... C'est un producteur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait exactement? Il m'aide à trouver tout ce qui est contact, etc. dans la musique. Ok. Il est lui-même de la musique, du coup? Non, il est pas de la musique, mais il connaît beaucoup de personnes qui ont une influence dans la musique. Ok, super. Bah, c'est une bonne aide déjà, si le daron valide, c'est déjà une super. C'est important. Ouais, c'est grave important, bien sûr. Ouais, super important que le papa soit derrière, et ça doit être une belle force. Et je vois que c'est une affaire de famille aussi, parce que il y a le petit frangin aussi qui est avec toi aujourd'hui. Il y a ma mère aussi derrière. Et il y a ta maman aussi, donc formidable histoire de famille, c'est super. Artex, je propose qu'on fasse découvrir un petit peu ton univers. Allez, hein. Tu veux qu'on mette quoi pour commencer? On peut mettre Madea. Allez, Madea. Et ben, écoutez, je vous propose tout de suite d'écouter, de découvrir l'univers de ce petit jeune. Plein de ressources, j'en suis sûr. Je vous donne rendez-vous à tout de suite sur Radioactive Artex. Artex a fait la DA. Vous perdez, on gagne, vous dormez tôt ou tard. La vie m'a trop pris pour un taré. Faut que tu comprennes que t'es pas un intérêt. Je veux la vie de Johnny sans intérim. Rater ma passion, ce serait terrible. Je me promène dans mon village en V. Je me promène dans mon village en V. T'aurais pas misé une pièce que j'aurais l'élite. Quand c'est chaud, tu fuis. J'espère le travail va porter ses fruits. Rester solide, toujours sur les appuis. Les rayons du soleil viennent calmer. Mais la pluie, je prends les choses en main. Tu vois tout mon niveau qui est mal. Ton parcours dans le milieu, il est mince. Le rap, j'ai mis en échec et mat. C'est mon histoire, j'écris. Et ma route, je trace. Réussir, c'est un combat d'escrime. Je voulais gagner avec ou sans la grâce. Le rap, ma seule option. Je voudrais pouvoir me poser dans un putain de domaine. Je vais kiffer la petite dans un parc d'attractions. Y'a pas de GPS pour voir où la vie me mène. La vie me mène dans des coins lugubres. Peut-être que dans 10 piges j'aurai un futur bresson. Pour avoir cette plume, faut pas que la culture. Les projets, je sais, mais nous les cultivons. J'ai étoffé ma palette pack avec du courage. Pour kiffer bronzer, j'ai surmonté l'orage. Le seul truc que j'ai géré au brevet, c'était l'oral. Dans le game, j'ai pas triché comme Koh-Lanta et Théoura. Pour comprendre la technique, faut comparer l'effet au rap. Mon pote, je suis désolé, faut pas donner l'épée au rat. Tu parles trop en PV, mais tu fais rien à l'oral. Pour mon cœur, faut pas t'aimer, si t'es fidèle, tu l'auras. J'ai géré ma DA. La vie, c'est pas GTA. Je veux augmenter mon CA. Dans cette life, y'a que le travail qui paiera. J'ai géré ma DA. La vie, c'est pas GTA. Je veux augmenter mon CA. Dans cette life, y'a que le travail qui paiera. Ouais, Madea, Artex sur Radioactive. Artex, Madea, c'est-à-dire ta direction artistique. Ouais, voilà. Tu peux nous en parler un petit peu ? Bah, ma direction artistique, on est plus sur tout ce que je représente, par exemple, tout ce que j'ai vécu, etc. C'est plus parler de faits réels de la vie. Bien sûr. Et retracer un petit peu mon parcours pour essayer de retranscrire tout ça dans les sons. Non, même si t'es tout jeune, je trouve que t'as une belle plume, t'as une bonne façon de retranscrire les choses. Moi, c'est un morceau qui me plaît. Il parle d'avenir, il parle de un peu de sacrifice, d'investissement, de travail, de temps, de tout ça. Forcément. Et moi, j'aime bien toutes ces directions-là. En tout cas, félicitations. Merci. Artex, est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux ? Où est-ce qu'on te trouve un peu ? Dis à nos auditeurs, dis-nous un petit peu tous les réseaux où on peut te trouver. Ouais, on peut me trouver sur Instagram, Artex, artex.off. Après, on a TikTok, Artex Rap. Et après, il y a tout sur les plateformes, juste Artex. On est sur Spotify, Apple Music, Deezer, partout. C'est bien. Avec un distributeur digital ? Ouais, on passe sur un distributeur. T'es chez qui ? Je suis chez DistroKid. DistroKid, ouais, comme beaucoup de monde. Hein, comme beaucoup de monde. Ouais, super, c'est bien. Tu commences vraiment à te structurer. Forcément. Donc, c'est bien. Tu m'as dit que tu avais une équipe derrière toi. Ouais, il y a une équipe derrière moi. Caméraman. Après, ton petit frère, tu m'as dit. Ouais, j'ai une agente qui s'occupe de tout ce qui est montage vidéo et qui a mes comptes pour pouvoir poster les vidéos directement. C'est bien, c'est vachement bien d'avoir une telle équipe. Mmh. C'est familial toujours tout ça ? Ouais, c'est pas familial, mais juste c'est mon père qui m'a donné des contacts qui m'ont permis de me développer. Ouais. Et du coup, ces contacts, tu t'es satisfait de Ouais, je suis satisfait, on bosse énormément. Après, il y a aussi une autre personne qui bosse avec moi, Stéphane, qui s'occupe de tout ce qui est sur la région, essaie de me trouver tout ce qui est radio. Et après, il y a tout ce qui est événements. D'accord. Et après, on a Isabelle qui s'occupe de tout ce qui est artistique et essaie de me trouver des petits featuring. Ouais. Voilà. Ok, bah c'est bien, je vois que t'as déjà une très belle équipe malgré ton jeune âge derrière toi. C'est important. Et c'est super, hein, je pense que tu pourrais même te structurer un peu seul en vrai, quoi. Mmh. Vu là où tu en es déjà, prends-toi la tête un peu dans les papiers maintenant. Mmh, forcément, dans c'est tous important. Les papiers officiels, t'attends quoi pour passer le cap de la SACEM ? Il faut commencer. Les papiers, c'est quelque chose qui est vraiment important. Il faut pouvoir faire tout correctement et c'est pour ça qu'on essaie de s'aider des personnes qui sont plus grandes. Si tu as besoin de conseils, je peux te Allez, hein. éventuellement te donner quelques conseils de ce que moi j'ai appris de Carrément. Mon parcours à moi. ça mange pas de pain de partager certaines choses avec les petits jeunes. Bon, en tout cas, c'est cool. Artex, on va faire découvrir un deuxième titre tout de suite. Ouais, Instinctif. Instinctif, allez, parle-nous-en un petit peu tout de suite. Instinctif, c'est un son qui est sorti le 30 janvier, là. Ouais. C'est tout récent. Ouais, je rappelle quand même à tous les auditeurs que Artex, il vient de sortir quand même un double album d'affilée, c'est ça ? Non, on est sur une mixtape. Une simple mixtape. Ah, d'accord, une simple mixtape. Mais ouais, t'avais un projet de freestyle en. Ouais, on était sur. Avant, c'était un projet freestyle vérité qui était dispo sur YouTube. D'accord. Mais maintenant, on est plus basé sur tout ce qui est vraiment professionnel. C'était un peu pour commencer la musique. Ok, ok. Bon, on revient sur Instinctif. Tu nous parles un peu de ce titre. Instinctif, c'est un titre qui qui me tient vraiment à cœur. Parce que déjà dans le titre du son, on travaille à l'instinct sur, par exemple, des moments où il n'y a pas forcément d'envie. Et c'est là où on doit se forcer à écrire, travailler. Mmh. Et c'est important. Et du coup, dans ce son, j'essaie vraiment de retranscrire tous les moments que j'ai passé à travailler. Et voilà. Bah c'est vachement bien. On va s'écouter ça tout de suite. Je vous propose d'écouter Instinctif Artex sur Radioactive. A tout de suite. J'ai pas le temps de leur rendre. Trois sont mis ma tête sur la mélo. Tu la sens, tu veux toujours les raisons. J'ai pas le temps de la ramener au télo. Trop absent, mais ma tête suit la mélodie. C'est lassant, tu fouilles toujours mes réseaux. Tu voulais le faire, mais ce soir je suis trop instinctif. Vite famille, trop compliqué à comprendre ma belle. Je te parle avec le cœur, même s'il est pas mal amoché. Petit jambine sur les champs, mais je paye pas Chanel. Dans cette gêne, j'ai compris, faut pas s'accrocher. Je t'avais dit que je voulais sortir le projet. Au final, je suis sur le terrain en train de me décrocher. Je gérerai mon prochain pour que je puisse enfin décrocher la lune. Son esprit a tourné comme l'anneau de Saturne. Son cerveau sature, elle me dit j'suis pas mature. Elle me dit j'suis pas mature. J'sais que j'suis un homme bien dans le fond. Donc c'est pas ta poussie qui m'enlève les soucis. Comment faire des études si j'préfère le son? Quand y'a plus rien à prouver, tu te réfères au con. J'suis seul, j'refais les comptes. Des poteaux que j'ai perdus. Jamais mon cœur tu domptes. Car avec toi rien perdure. Faut que le rêve soit si grand qu'il saute de ta gueule. T'inquiète pas, y'a pas que toi qui a eu peur. Cherche mes larmes solo sans les suceurs. Pour être tout là-haut faut de la sueur. Si tout est parfait, je mets la cerise sur le gâteau. Numéro 6 c'est moi, je t'envoie mon fardeau. Tu voulais taper des crocs, y'aura pas de faveur. Y'a qu'avec les miens que j'ai de la ferveur. J'ai pas le temps de la ramener au télo. Trop absent, mais ma tête suit la mélodie. C'est lassant, tu fouilles toujours mes raisons. Tu voulais faire, mais ce soir je suis trop instinctif. J'ai pas le temps de la ramener au télo. Trop absent, mais ma tête suit la mélodie. C'est lassant, tu fouilles toujours mes raisons. Tu voulais faire, mais ce soir je suis trop instinctif. Instinctif sur Radioactif. Et ouais, on dispose sur toutes les plateformes. Joli morceau. Dispo sur toutes les plateformes. Mmh. Spotify, Apple Music, Deezer. Tout. Super. Tu me disais hors antenne, faut rien lâcher. Faut rien lâcher, faut continuer et on essaie de se battre au quotidien. Faut garder les pieds sur terre, être humble. Oui, ça. Et je te disais hors antenne, la génération. Ouais, c'est compliqué. Hein. C'est un peu complexe. Hein. Faut travailler. Non mais c'est bien, je découvre une autre personnalité de toi que celle que j'ai découverte sur les réseaux. Du coup, là je découvre l'humain. Ouais, forcément. Je préfère ce côté humain. Ouais, c'est différent. Le côté réseau, t'as vite fait de te faire parfois une mauvaise image des gens. Et voilà, c'est bien mieux les relations en direct. C'est ce que je te disais tout à l'heure. La vraie vraie vie dehors, c'est pas les réseaux. Ah ouais, c'est pas la même chose. Ouais, c'est pas la même chose. Ouais. Et tu veux rajouter quelque chose ? Bah, je voudrais rajouter aussi que faut traîner avec des bonnes personnes. Par exemple, ne pas rester avec des personnes qui nous apportent pas grand chose, surtout dans le monde de la musique, c'est important. Et aussi de continuer à charbonner pour ceux qui ont des projets, de se lancer et de ne pas lâcher. Ouais, moi j'ai juste une toute petite rectif à faire dans ce que tu dis. C'est vrai qu'il faut pas s'entourer de n'importe qui, puisque le dicton dit traîne avec deux fumeurs, tu seras le troisième fumeur. Traîne avec deux alcooliques, tu seras le troisième alcoolique. Traîne avec deux sportifs, tu seras le troisième sportif. Traîne avec deux riches, tu seras le troisième riche. Mais il faut pas non plus que tu aies des relations entièrement intéressées. Sinon, oui, t'enlèves la valeur humaine, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire ? Oui, la personne, elle peut ne rien t'apporter, mais tu peux la kiffer quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Bah oui. Mais du coup, ce discours-là, c'est un discours légèrement intéressé. Faut pas oublier l'humain, les valeurs humaines et tout ce qui en découle, quoi. Ouais. La vraie vie, quoi. Mais je trouve que quand la priorité, ça reste quand même la musique, bien sûr, faut pas oublier tout ce qui est le social, etc. Donc, faut continuer. Et surtout, il y a des personnes forcément qui, quand ils nous apportent pas trop, bah, ils peuvent nous attirer dans de mauvaises choses. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention quand même. Ouais, bien sûr, si eux-mêmes sont dans de mauvaises choses et que tu es un personnage influençable, effectivement, tu risques peut-être. T'as toutes les chances de te faire embarquer, effectivement. Donc, ouais, faut surveiller l'entourage, mais il faut pas avoir des relations entièrement intéressées. Sinon, je trouve que ça enlève tout le côté humain, justement. Et moi, quand on s'est contacté sur les réseaux, je suis arrivé vers toi un peu humainement, très normalement. On m'a appris un peu à discuter ensemble. Ah et oui, tout ça, là, je découvre une nouvelle personne. Mais moi, ça me plaît. C'est ce côté-là que j'aime bien. Bah ouais, moi, j'essaie toujours d'être le même. Sur les réseaux, c'est forcément différent parce qu'on peut interpréter différemment. Mais dans la vraie vie, j'essaie toujours d'être humble et d'essayer de montrer la meilleure version de moi-même et de toujours montrer aux personnes que je suis comme ça et que c'est pas eux qui vont me changer et que je vais rester moi-même. Ouais, tout simplement. C'est bien, c'est très bien, c'est une bonne mentalité, il faut rester soi-même, qu'on soit entouré ou pas d'ailleurs, je trouve qu'il faut rester soi-même. Artex, on se fait un nouveau morceau ? Ouais, carrément. On avait dit quoi ? On a écouté quoi là ? On a écouté Instinctif, on avait dit Avalanche ? Avalanche, allez. Allez, tu veux nous parler de ce titre un peu maintenant ou on en parle après ? Après. Allez, on en parle juste après. Artex, Avalanche, sur Radioactive, à tout de suite. Mais en perte, si tu fais le faux ou même le bandit, c'est moi la star de la ville où j'ai grandi. Un peu plus facile depuis que j'ai la recette de la hesse. Moi je ressors jamais invité pour venir à ta résoir. Les hypocrites, c'est surtout eux qui me déçoit. Crois pas que le rap ça rapporte beaucoup de sous. Les petits je rhabille, dans ma tête je suis comme un babille. Étant jeune, tu voulais toutes mes billes. Donc chez toi, on est venu piller. Sache-le qu'aujourd'hui je suis un pire. Que quand t'es en bas qu'on voit faire la prière. Y'a que ma réussite qui me rend fier. Du sommet genre tu t'étouffes. Avec la fufu t'as perdu ton souffle. Artex qui découpe les beats. On te voit et direct tu tousses. Viens pas sucer des beats. Sur l'instru t'es huisse qui dépite. Faut pas me prendre pour un ouf. Je suis là pour son cœur pas pour sa fouf. J'ai du mal à t'aimer. Des choses à faire t'en as pas tellement. Quand c'était pour WAM je me rappelle tu venais pas m'aider. Je vais pas rester pauvre éternellement. Pourquoi à tes parents encore tu mens. Tu sors tu vends. C'est pas un cypher, mentalité lâche pas Kaizen. Je veux une Rolex, pas une Casio, pour ça j'ai rempli les cases. J'suis pas un caster, tu restes pas longtemps comme Castex. La vie c'est un casse-tête, j'bombarde voix de gauche à 7. J'étais en wild spirit, tu peux pas copier mais t'inspirer. T'inspirer. Avant je me cachais, maintenant j'aspire. C'est tout des taspés. Quand je fais la passe, c'est pour une passe D. Tu sais pas que ton frère il a pacté. Artex, on vise que le pactole. On vise que le pactole parce que toi t'as pas l'étal. Je fous la mise dans tous ces états. Je vais pas rouiller comme le métal. Depuis longtemps, je vois tu détales. Dans le game, c'est moi le nouveau détail. Artex, on passe par la faille. Artex, on rentre dans le fight. C'est moi le phénomène, vos histoires elles me rongent de l'abdomen. T'as capté tout ça, c'est mon domaine. Je vais pas tout repousser à demain. Le game j'ai compris de mes deux mains. Fallait pas que tu réveilles mes démons. Désolé si j'oublie ton prénom. Je vais pencher la balance. Je sais qu'ils vont pas tenir la cadence. Ton pote il a beaucoup de carences. Tout va s'effondrer comme avalanche. Je vais pencher la balance. Je sais qu'ils vont pas tenir la cadence. Ton pote il a beaucoup de carences. Tout va s'effondrer comme avalanche. Hop hop hop hop hop, faut être freestyle, faut être prêt quand le son Artex ils arrêtent. Faut être ready. faut être prêt, ça s'arrête toujours brusquement. Ah c'est la prod. Hein. Un petit truc à. Eh ouais, fais un petit fondu, important, fais un petit machin, fais un petit truc, t'as vu. Non, mais pas mal, cool. Avalanche. Avalanche. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur Avalanche? Avalanche, c'est un titre assez important pour moi. C'est un titre qui montre deux côtés. Pour ça qu'il y a un beat switch. On est sur une première phase où c'est plutôt le dessus de l'iceberg et après on descend sur tout ce qui est dessous. Ouais. C'est pour montrer que bah ok, certes tu es gentil mais t'as vu faut quand même à un moment si les gens ils commencent à faire des choses faut être méchant. Ouais, faut leur essayer de leur faire, comprendre avant, avant d'être méchant je pense. Parce que si t'es méchant tu sais tu t'as vite fait d'avoir des ennuis. Mais après souvent les gens quand t'es trop gentil après ils te respectent pas et c'est pour ça. Absolument, ouais c'est vrai mais c'est pour ça que je pense qu'il faut mettre une barrière un peu dès le départ. T'as le droit de pas m'aimer, mais t'as pas le droit de pas me respecter en tout cas, ou de me manquer de respect directement. Ouais, tu vois, c'est une phrase que j'apprécie un petit peu. Mais bon, ouais, voilà. Donc, moi j'appelle ça, ça m'arrive aussi. Bon, je fais pas de switch comme ça parce que moi c'est sur des sons entiers. Ouais. Mais j'appelle ça une rechute gangsta. Une rechute gangsta. Donc, voilà. Non, c'est pas mal, c'est cool, j'aime bien le concept. Qu'est-ce que tu veux nous dire d'autre, Artex? Bah, c'est un titre aussi que je trouve très très intéressant parce qu'il parle de beaucoup de choses. Par exemple, l'avalanche pour moi, déjà le titre il veut dire beaucoup de choses pour moi. Par exemple, l'avalanche au début, est-ce qu'elle part de rien et après, bah, quand elle arrive, elle détruit beaucoup de choses. Et c'est un peu la même chose pour moi. Je commence de pas grand chose et après, il y a tout qui se ramène et après, bah, ça fait mal. C'est l'avalanche. Tu te la prends, l'avalanche, tu la sens. Faut être couvert. Artex, on rappelle un peu nos auditeurs, où est-ce qu'on peut te trouver encore une fois? On peut me trouver partout, hein, Instagram, Spotify, on tape Music, Artex TikTok. Sur Google et on te trouve. Non, Google, je suis pas sûr. Hein. Ah, vérifie. Ah, ouais. je vais vérifier. Allez, vas-y, fais-le en direct. Ouais, je le fais en direct. Moi, je suis sûr que tu peux apparaître si t'es répertorié dans Spotify et tout ça. Ouais, et peut-être, tout ça. Pourquoi pas. Je suis sûr que tu peux apparaître. Y a pas de non, y a pas de raison, hein. Y a vraiment pas de raison. Alors, et si, hein. Dis-nous. Ouais. Dis-nous, c'est quoi le résultat alors? Eh ouais, on me trouve sur Apple Music. même sur Google, hein, tu mets juste Artex. Eh ben voilà, tu vois. Eh ben voilà, tu vois. Tu vois. Moi, je savais pas, j'en apprends. Tu en découvres tous les jours. dis-nous un petit peu, tu veux évoquer certains sujets? La politique, ça te parle? La politique, j'essaie de faire attention dans mes sons à ce que je dis, que ce soit les idéologies, la religion, même. Que ce soit la politique, faut pas dire n'importe quoi parce que c'est des choses qu'on n'en parle pas de base, genre donner son avis politique, pas trop en parler. Tu t'auto-censures? Ouais voilà. C'est vrai? Bah j'essaie de faire attention. D'accord, et sur quel sujet particulièrement? Bah la politique c'est surtout le truc important, ne pas montrer dans les sons, parce qu'on peut avoir des paroles qui parlent pas forcément de politique, mais qui peuvent laisser désirer des choses. Ouais, ça peut laisser penser. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais en fait, c'est bien, tu fais bien du rap. Et la base du rap, vraiment la base du hip-hop, hein, avant, c'était un mouvement contestataire. Ouais. Donc, ils étaient là pour revendiquer vraiment toutes ces choses-là. Et tu vois, je trouve que avec les générations, enfin, moi, je suis encore à fond là-dedans. Ouais. Je viens de sortir un titre. Qui est consacré entièrement au gouvernement, qui s'appelle Qu'est-ce qu'il y a, que tu as peut-être j'ai vu passer. Voilà, que tu as vu passer. Et nous, en fait, c'est tout l'inverse. On s'auto-censure absolument pas. C'est les plateformes qui nous censurent ou autres, mais on saute pas non parce que je pense qu'il faut revendiquer des choses, en fait, tout simplement. Alors, ça te ferme des portes, certes, mais ça t'en ouvre aussi. Ouais. Donc, à toi de choisir, effectivement, vers quel côté tu veux. On verra bien. Ouais, on verra bien qui va t'ouvrir les portes, mais du coup, tu vas supporter tout ce qu'on va venir te proposer, même si les idéologies ne sont pas bonnes. Bah après c'est pas forcément quelque chose que je vais pas je vais regarder forcément, je vais pas traîner avec des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi. Bah ils ont le droit d'avoir des valeurs différentes, mais il y a des choses qu'on n'est pas censé tolérer. Et ça peut être le racisme ou même d'autres choses. Super, voilà, bah c'est ce que voilà, c'est ce que je voulais un peu entendre, quoi, tu vois. Un peu, c'est quand même bah, c'est une base de la revendication quand même, tu vois. Le racisme, les génocides, tous ces trucs-là, ouais, effectivement. Ouais, surtout actuellement, il y a beaucoup de choses, hein, Trump. Ouais, pas mal de choses. Ouais. Et du coup, tu vas voter, tu vois, t'es quelqu'un qui vote ou pas? Pas encore, j'ai que 17 ans. Ah bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Quel idiot. L'année prochaine. Eh ouais, tu vois, vu ce que t'écris, tu laisses à penser que t'es un peu plus vieux. Comme je te disais en privé, tu me fais penser un petit peu au petit Hayden. Qui a gagné un des concours Urban Jam et qui s'est produit en showcase à Charleroi. Big dédicace à l'association Yalla en avant. Mousse, mon frérot, on se voit bientôt. Et donc tu me fais beaucoup penser, c'est la même gêne, c'est le même style de rap, c'est un peu la même façon de penser. Et je trouve ça super cool. Voilà. On se fait quoi? Mes souhaits, je crois. Sur mes souhaits. Tornade. Tornade. Non, mes souhaits. Tu voulais le faire en dernier. Mes souhaits en dernier. Tornade. Allez, Tornade. Allez. On est parti pour Tornade sur Radioactive. Artex, à tout de suite. Les erreurs, je compte plus depuis un certain âge. Des frères qui sont partis, donc j'ai quitté Morgane. Je me suis fait seul à l'intérieur de la tornade. On voulait la vie d'art, j'ai fini en nomade. Avec mon frérot, on charbonnait la nuit pour sortir un projet. On y mettait notre rythme. Il y a encore moins d'un an, j'ai envoyé Eclipse. Je retraçais mon parcours, maintenant je pense à la suite. Il y avait la mentale et la passion pour viser plus haut, fallait avoir la patience. J'ai arrêté de me fier à toutes les apparences. Pour être à cette place, j'ai pas compté sur la chance. Je vivais dans un coin paisible sans problème. Maintenant je vois tout le monde qui sniffe le putain de pollen. Mentalement c'est fini, j'ai perdu mon père. Je consolerai pas toute ma peine dans un verre. Les erreurs, je compte plus depuis un certain âge. Des frères qui sont partis, donc j'ai quitté Morgane. Je me suis fait seul à l'intérieur de la tornade. On voulait la vie d'art, j'ai fini en nomade. Radioactive. Ouais, après l'avalanche, il y a la tornade. Hein. Après l'avalanche, il y a la tornade. Bien vu. Ouais, petit jeu de mots. Qu'est-ce que tu veux nous dire de plus sur ce morceau? La tornade, là, on est sur un son assez spécial. Bah, ça parle un petit peu d'amour, et des anciennes relations, etc. Ouais. On a cité un petit prénom, bon, je vais pas le reciter ici. Mais du coup, que tu peux perdre des personnes parce que t'es en couple. Il y en a, ils voient l'amour plus profond que ça et. Il y en a, ils ont tendance à rester avec leur copine et pas penser aux frérots qui étaient là avant et qui sont là depuis plus longtemps. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'on peut perdre des frères juste parce qu'on se concentre sur quelqu'un qui au final peut partir, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et puis quand sa fiancée partira, bah, il reviendra Voilà. Il reviendra quoi. Il reviendra, sauf que les potos, je suis pas sûr qu'ils soient encore là. Eh ouais, ben il y en a de plus en plus qui réagissent comme ça. Hein. Mais oui, hein. C'est pas, tu peux pas oublier tout le monde parce que t'as. Ah ouais. Hein. Parce que t'as une petite chérie quoi. Bah ouais, c'est pas comme ça, possible. Hein. Ah ouais. Hein. Ok, Artex. Artex, on va s'enchaîner tout de suite avec ouais, un nouveau titre. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur Bye Bye? Là, Bye Bye, le titre. Bye Bye, là, c'est un son très très un peu mélodie, mais surtout basé sur un bon petit refrain et tout ce qui est un petit peu mélo et ouais, c'est un son que je trouve plutôt bien. J'essaie de bien taffer dessus pour pouvoir le sortir et en vrai, je suis plutôt fier de ce morceau. Il est sorti ce morceau là? Ouais, il est sorti. Disponible sur partout. Plateforme. Comme tout ce que tu fais un peu. Ouais, voilà. Tout ce que tu fais, c'est disponible ouais, sur. Ok. Partout. Tu commences à avoir pas mal de titres là. Ouais, là on est sur une petite mixtape Calendrier Néfaste. Ouais. 10 titres. D'accord. Et ouais, là on continue de bosser. Et du coup, c'est un truc que tu vas ressortir en projet entier? Non. Non, pas forcément. Non. Après, on bosse sur les prochains singles et tout ce qui est. Un projet, je pense, j'attends encore parce que ça sert à rien de sortir un album s'il y a personne qui écoute. Forcément, c'est important. T'as tout dit. Ne pas sortir de projet si personne écoute. Les gens, ils vivent pour des singles, pour des bonnes choses. Bon. Et ben c'est très bien. Je pense que t'as. Bah écoute, moi, depuis que j'ai repris, là, voilà, j'ai exactement la même stratégie que toi. Single par single, et je pense que c'est maintenant ça va tellement vite, le numérique, tout ça, ça va tellement ouais, vite ouais, que oui, je pense que c'est vraiment mieux de fonctionner par single, effectivement. Ouais, c'est dur de suivre le rythme, hein. Puis les... Ouais, des fois, je pense que, comme je te disais hors antenne, je pense qu'il faut prendre parfois un petit peu plus de temps maintenant que t'as atteint, enfin, que tu sais que t'es capable en vrai. Et je pense qu'il faut que tu prennes un tout petit peu plus de temps maintenant pour vraiment te concentrer sur cette qualité, quoi. T'as vu les petits détails que je te disais tout à l'heure qui font très souvent la diff. Ouais, c'est important. Ouais, c'est bien. Puis les gens, ils vont pas écouter le projet parce que si t'es pas encore assez connu, les gens ils vont pas écouter. Et puis même sortir un album, ça coûte cher. Hein. Un album, c'est extrêmement cher. Juste un son, c'est cher. Et un album, on en parle ça. Pas. C'est ça. C'est un investissement. C'est un investissement. Énorme. Effectivement. Il y en a qui prennent 2-3 ans à sortir un album. Oui, c'est ça. Bah, de toute façon, je crois que la durée moyenne pour un artiste, je crois que c'est 2 ans. À part si on parle de Jul. Là, c'est plutôt 3 mois là. Ouais, qu'à sortir. Sur 3 mois là. 4 mois ou 5 mois. Pendant je sais pas combien d'années. Il y a des années où il a sorti 2-3 projets de Jul, je crois. Bah ouais. Ouais, tu vois. Bon, après. Voilà, c'est un artiste. Hein. Il fait le taf dans le rap français. Mais, faut aimer le style auto-tuné quoi. Voilà. C'est vrai. C'est votre géné aussi. C'est notre génération. Après, il n'y a pas tout le monde qui aime. Ouais, c'est un peu ta géné aussi. Ouais. Bon, bah, on va se faire ce titre. Ouais, bye bye. Hein. Bye bye. On est parti. Allez, on est parti. Allez. Artex, bye bye. Sur Radioactive. A tout de suite. TEX37. TEX37. Bye bye. Bye bye. Je te dirai bye bye. Elle me fait mal à la tête, je dis bye bye. Reviens pas une fois de plus pour faire nos bye bye. Cet hiver tu verras, ce sera ice ice. Ice spice. Elle me fait mal à la tête, je dis bye bye. Reviens pas une fois de plus pour faire nos bye bye. Cet hiver tu verras, ce sera ice ice. Ice Spice, tu te prends pour Ice Spice. Elle écoute tous mes sons, elle me dit c'est nice, nice. Je crois bien que dans ce monde j'ai trouvé la faille. Échouer dans notre tête, c'est infaillible. Je comptais pas les jours où j'étais en faillite. Balade le soir en Côte Panamera. On est paramétré, t'es un panorama. Belle comme à Montana, elle c'est pas une Tana. Je fly en Guatemala. J'ai grandi dans les environs sauvages, dans les maisons pas équipées de chauffage. Tu vas creuser toi-même ton sarcophage. Si tu veux mettre pause, prends un marque-page. Un marque-page. TEX37. Te vont rater, c'est un délice. No play, je suis Artemis. T'as raté une fois, donc tu démissionnes. Elle crie à tout le monde qu'elle est flamignonne. Mais j'ai déjà pris en missionnaire. Tu nous disais que t'étais visionnaire. Optique 2000, j'ai la vision optique. La carrière est tracée, elle est oblique. De le faire moi-même, je suis obligé. Je me rappelle quand toi tu me négligeais. Attention, je balance les clichés. Attention, je balance les clichés forts. La bitch, elle fait aucun effort. Elle met les dents, j'arrache ses formes. Elle met les dents, j'arrache ses formes. C'est fort. Je la fais partir en dark, c'est le début du Winter Axe. Ce soir là on fait nos bails, je te dirai même pas bye bye. Je la fais partir en dark, c'est le début du Winter Axe. Ce soir là on fait nos bails, je te dirai même pas bye bye. Artex sur Radioactive. Artex, ouais, c'est bien là, t'as vu, là, j'ai eu le temps d'enchaîner. T'as fait un petit fondu, j'ai eu le temps de réenchaîner et tout ça. Ouais. J'étais pas pris sur le vif à la Kalachnikov. Là, j'étais pas pris court. Artex, on va présenter tout de suite le sixième et dernier titre que mes tu vas mes souhaits. Et en tout cas, bye bye, sacré titre, hein, joli titre. Ouais, franchement, c'est cool, t'as une bonne écriture. On peut tous progresser, t'as une marge de progression énorme, comme je te l'ai déjà dit. Mais franchement, c'est bien, faut continuer. Ouais, faut continuer comme ça. Non, faut rien lâcher. Vraiment. Là où tu es, faut rien lâcher, mon gars. Quand on aime, on continue. Ouais. Lâche pas. Ouais, après. C'est le public aussi un peu qui décide. Après, c'est aussi le public qui fait réussir. C'est le public qui décide un peu. Hein. Mais au fait, qu'il aime ou qu'il aime pas, ça ne t'empêche pas de travailler. Quoi. Ouais, tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà, quoi. On peut présenter. Mes souhaits, qu'est-ce que tu veux nous raconter là-dessus ? Mes souhaits, c'est une outro. C'est comment finir une mixtape. Une mixtape, c'est une intro, une outro. Il faut que les deux parties soient bien gérées. Et pour finir ce son, sur ce dernier son, on est plus sur tout ce qui est personnel et. Mes souhaits, c'est les choses que j'aimerais et les choses aussi qui sont passées et qu'il faut retranscrire. Parce que j'essaie toujours de me faire référence à moi sur mes titres pour qu'on voit bien la personne que je suis, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux. Sur les réseaux, c'est plus compliqué de transmettre, mais quand les gens ils me voient en vrai, ils doivent se dire ok, dans les titres, il dit la même chose, pas mentir, rester vraiment sincère avec les gens. Et c'est là où on essaie d'avancer. Mes souhaits, c'est ce que j'essaie de retranscrire. Montrer qu'il faut continuer, rien lâcher, qu'on peut partir de loin, mais au final, si on travaille et on se donne les moyens, on peut arriver très loin aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et la musique, c'est une course de fond. Ouais. C'est une course de fond, faut être dans la durée. C'est pas un sprint, hein. Faut être dans la durée. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Ouais. Un long marathon. Il y a beaucoup d'étapes. C'est hein. Un double marathon. Au début, juste on aime, et après, quand on commence à rentrer dedans, on se dit ah, il y a beaucoup d'étapes. Il y a énormément d'étapes. Ouais, on commence et après on se dit ouais, je pensais pas qu'il y avait ça, je pensais pas fallait voir l'inger, fallait faire ça. Ben t'as vu, on en parlait tout à l'heure encore une fois en antenne. Je te dis, tu connais la SACM, tu me dis oui, je te dis, tu connais SCPP, SDRM, Adami, Spedida, mais c'est un, enfin bref, ouais, c'est un parcours incroyable qu'il faut avoir. Ouais, forcément. Ouais. Bon, on se fait ce titre tout de suite. Allez, mes souhaits, Artex sur Radioactive. À tout de suite. Très tôt j'ai perdu mon père. Parfois j'étais brutal avec les filles, j'étais en pierre. J'étais jamais invité pour venir à vos anniversaires. Ça boit pas à ma santé, y'a que ma mère qui lève son verre. Je plongeais ma tête dans mon rêve quand ça parlait v'là sur mon dos. Petit, je voulais la traite dans ce monde trop imbu d'égo. Je me suis toujours mis derrière, donc ce que je pense, j'dis à voix haute. J't'ai mis dans un sale état, t'avais trop le sale d'idées. Nerveux comme Végéta, je les vois tous saliver. On a passé un cap, je suis plus haut saligo. J'ai créé mon chapiteau pour mon gang raffiné. Je suis vif comme Rafinha devant le but. La vie elle vaut pas que tu baisses tout ton fut. J'arrive pour kicker mais je joue pas de la flûte. Son cœur j'ai volé, toi tu voulais son huc. C'était clapé rouge, les égrailles comme des tucs. On veut la vie de star et finir comme les tues. Je peux devenir agressif si la famille tu touches. On se rappelle des heures à attendre sur le banc de touche. Quand c'était pour WAM, ça comptait pour du beurre. Pourquoi vous parlez, je suis même pas à la bourre. Je suis agriculteur dans mon champ, je laboure. Y'a pas si longtemps, tu me prenais pour un ouf. Tu me prenais pour un ouf, hein. Tu me prenais pour un ouf. On est dans la mentale des terres. J'suis fat comme une altère. Les humeurs tout le temps t'alternent. J'ai tout donné pour la perf. J'brille comme une lanterne. J'me faufile comme une panthère. J'suis un génie à long terme. Tu me disais que t'avais qu'une seule parole. Au final, tu me montres tout ton vice. Sur le terrain, je mets vitesse antidolore. Mais mon cœur, il est pas antidouleur. J'ai étoffé ma palette de couleurs. Je garde la mentale comme un coureur. Et je répare les fissures comme un soudeur. Comme un soudeur. Je deviens fou, faut que je me casse très loin. De vos problèmes, j'en ai pas besoin. Personne n'était là à mes soins. J'espère qu'un jour, j'exaucerai tous mes souhaits. J'espère qu'un jour, j'exaucerai tous mes souhaits. Tous mes souhaits, calendrier néfaste de luxe. Artex, mes souhaits, tu m'as encore pris de court. Ouais, là, je t'ai encore pris de court, là, avec la fosse fondue, là. Tu m'as encore pris de court, ouais. Ça a descendu, ouais, et d'un coup, tu ne coupes plus rien. C'est pas grave, allez, tu vas travailler, ouais. Ça, j'en suis sûr. Ouais. Hein, il faut, allez. C'est important. Bah oui, il faut. Tu veux rajouter quelque chose, Artex, sur ce son? Ouais, là, c'est comment conclure un projet avec une bonne outro, donc c'est important. Ouais, c'est un bon son, ouais. Mélodieux, mélancolique, ouais, ouais. C'est très bien, j'aime bah, bien. Là, vous avez dû écouter... 5-6 sons du projet. 6 sons. Et ouais, 6 sons du projet, c'est un projet, c'est ultra varié. Là, il y a eu pas mal de choses, il y a eu des changements de prod. Je sais plus comment tu m'avais dit là. J'ai pas retenu. Je sais plus, Switch, ah ouais. Je sais plus. Non, et le truc des changements de prod là. Ah, en ce qui me concerne, moi, ouais, ouais. Les rechutes gangsta. Ouais, on a fait des petites rechutes gangsta. Et ouais, sinon, pas mal de choses, mélo, drill, love, on a essayé de faire le tour. Pour ouais. essayer de se diversifier et surtout d'avoir vraiment pas mal de choses à dire aussi. Ouais, ouais, bien sûr. Non, mais je, ouais. vois que, je vois qu'il y a beaucoup de travail derrière, je vois que t'es productif, c'est je te important. Vois sur les réseaux. On a parlé, il y a certaines choses qu'on doit, même moi-même, hein, tout le monde, moi le premier, qu'on doit améliorer. Il y a des ouais. choses qu'on doit continuer, d'autres choses qu'on doit arrêter. C'est important. Et puis c'est comme ça, faut écouter parfois les conseils constructifs. Ouais, les conseils constructifs. Qui sont pas, et un conseil constructif n'est pas forcément positif. Hein. On se mettre ça en tête, hein. Des conseils ah, constructifs, ouais. c'est aussi quand on te dit bah, y a ça qui va pas. Ouais, tu ouais, vois hein. ce que je veux dire. Mais il faut quand même donner des arguments. Ouais, bien sûr. Pas dire juste ouais, ça va pas, tu vois. Oui, effectivement. Ouais. Bon, ça va, mmh. Oui, il faut. Artex, tu rappelles à nos auditeurs tous tes ouais, réseaux, partout où on peut, réseaux. Prends ton temps, oublie rien. Mmh. Même si t'as une chaîne YouTube aussi, tu ouais. peux peut-être la mentionner. Allez, c'est parti. Ouais, Artex. Du coup, d'abord, on peut me retrouver sur Instagram, artex.off. Et après, il y a TikTok, Artex Rap. Et après, Artex sur toutes les plateformes, A-R-T-E-X. Et c'est YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, partout. Et ouais, on essaie de se développer. Et tout à l'heure, t'as appris toi-même que tu apparaissais directement sur Google. Ouais, tu j'ai appris, choqué. Ouais. Ouais, ouais, Google aussi, tu tapes Artex, tu trouves. Ouais, super, c'est bien Artex. Ça. Eh ben, écoutez, on a passé un super bon moment avec Artex, ouais. ce tout petit jeune là de 17 ans là qui est ultra productif et qui arrive avec son style et je pense qu'il a un petit avenir. S'il lâche rien, je pense qu'il a un vrai avenir. On va dire au revoir ouais. à tout le monde, faire un ouais, petit dédicace. Hein, allez, vas-y, ouais. on t'écoute. Mmh. Dédicace tout le monde. Bah, d'abord, il y a ma mère que je voudrais remercier pour tout, bah, parce qu'elle est là au quotidien à s'occuper de moi et puis même à m'aider dans les projets. Après, il y a aussi mon père qui est là en tant que producteur pour m'aider sur tous les sons. Et après, il y a mon meilleur pote aussi, voilà, que je voudrais dédicacer, Mathieu, MRGD. Voilà, il va avoir 18 ans demain. Bon anniversaire à toi, frérot. Et du coup, ouais, hein, on continue de travailler, c'est important. Et je voudrais dédicacer aussi toute mon équipe qui travaille autour de moi. Il y a Isabelle, il y a aussi Bérénice, Stéphane. On est une petite équipe quand même à travailler là-dessus. Il y a aussi toutes les personnes que j'ai rencontrées en colo, voilà, qui m'ont soutenu, on a fait des petits showcases et tout, c'était bien sympa. Il y a Nathan, Nolan, on est pas mal. Et après, il y a aussi, par exemple, des amis à moi qu'on a, qui sont présents au lycée avec moi. Merci à ma prof aussi d'être là au quotidien, à m'aider, à me soutenir, que ce soit en cours ou même à l'extérieur, quand on fait des sorties. Il y a aussi mon meilleur pote Maël qui est toujours là à me soutenir dans les projets, et sans lui je serais pas là aujourd'hui. Il y a aussi toutes les personnes de la classe, Ilan, Solène, bon je vais pas citer d'autres personnes parce qu'il y a des personnes qui ne travaillent pas forcément avec moi ou qui me soutiennent pas. Mais après il y a aussi mon frère qui est là à m'aider dans les vidéos et qui me soutient toujours et qui vient même se déplacer à la radio pour essayer de m'aider, et aussi à toutes les personnes qui sont là à m'écouter. Félicitations. Merci aussi à la combi aussi d'être là. Ouais, merci. M'accueillir. Merci. Bah, de rien, c'est un plaisir. Ouais, je pense que j'ai oublié personne. Hein. Ouais, bah, ouais, déjà tu nous as fait une page A4 de dédicace, je pense que c'est pas mal. Ouais, là il y a beaucoup. Là. On a dit la même chose de moi, t'inquiète pas. Ouais. Écoutez, l'émission touche déjà à sa fin. On a passé un excellent moment. Oh, c'était cool. Hein. Ouais, c'était cool. Moi, je vais aussi dédicacer quelqu'un. Ça me tient à cœur. Je vais dédicacer Papy Rappeur, André Dufresne. Vous pouvez suivre sa page sur Facebook. C'est une espèce de super papy de 70 ans qui a le rap comme passion et qui partage tout un tas d'artistes tout le temps, qui donne de la force à tout le monde. Je lui ai promis de lui faire une dédicace. C'est chose faite, papy. À bientôt. On s'appelle bientôt. Voilà, l'émission touche à sa fin. On enchaîne tout de suite une heure de gros son US avec monsieur Lo 47. Vous bougez pas, vous restez sur Radioactive. On vous dit, nous, à samedi prochain pour la playlist Daidan, merci encore, à bientôt. Ok. Bienvenue sur Freestyle, l'émission des cultures urbaines. On reprend tout à zéro, on reprend tout à zéro. On s'active sur Radioactive. Faut de l'espoir pour réussir, ici c'est Freestyle.